Tu me feras pas de toi, t'es dynamique. J'ai les yeux fermés encore, on mériterait encore un tour. Même si j'ai l'air court. Si j'élève et c'est l'épidémie de nouveau kicker. Ça passe écouter, c'est dommage. Pas dommage, on tourne la page, ça, ça vous arrivera par la suite. Tu n'es qu'un, si j'achète de la baisse sur des sites, t'as l'air sûr. Décidé à les faire souffrir ou me faire sourire. T'essayes de parer toi, de comparer à qui c'est pas possible. On a dû quitter des teupus qui tapinent. Le baril en loose DG, piller les machines, fait briller la magie comme une petite fée. On n'aura pas sucé. Manie la magie. Comme une petite fille, on n'aura pas sucé, on n'aura pas sucé. Manie la magie, comme une petite fille, on n'aura pas sucé, on n'aura pas sucé. Hala, bitch, hala, ho mollato a scuola, dietro i soldi e la droga. Poi uno squillo, sono in zona, richiama dopo un'ora, so c'ho l'erba è troppo buona. Parli troppo, dai, vediamo. Sono savage, vesto camo. I tuoi occhi sulla Ferragamo. Davanti la squadra fa il bravo. Nana, nana. Mi scopo un'amica di Lala. La tua tipa quanto bla bla. Fumo questa cioccolata. Resto solo con la fafa. Forse ti fumo, uff. Proprio come questa fush. Senza lì non dormo più. A Lione non manca juice. Mani la magia. Come una petite fille. On n'aura pas sucé. On n'aura pas sucé. Manie la magie. Comme une petite fée. On n'aura pas sucé. On n'aura pas sucé. Manie la magie. Comme une petite fée. Comme une petite fée. On n'aura pas sucé. Lionzon. Lionzon. Manie la magie. Comme une petite fée. On n'aura pas sucé.